et vous faire bien voir que l'on a des amants quand on en veut avoir. Ayez-en donc, madame, et voyons cette affaire. Par ce rare secret, forcez-vous de plaire, et sans... Brisant, madame, un pareil entretien, il pousserait trop loin votre esprit et le mien. Et j'aurais pris déjà le congé qu'il faut prendre si mon carrosse encore ne m'obligeait d'attendre. Autant qu'il vous plaira, vous pouvez arrêter, madame. Et là-dessus, rien ne doit vous hâter. Mais, sans vous fatiguer de ma cérémonie, je m'en vais vous donner meilleure compagnie. Et monsieur, qu'à propos le hasard fait venir, remplira mieux ma place à vous entretenir. Alceste, il faut que j'aille écrire un mot de lettre que, sans me faire tort, je ne saurais remettre. Soyez avec madame. Elle aura la bonté d'excuser aisément mon incivilité. Restez ouverts sur mon lit les plaideurs de Racine que je préfère à ces tragédies. La Fontaine, Beaumarchais, Musset. Et le droit civil que je consultais au sujet d'un règlement d'affaires avec mon propriétaire. Voyez que je m'endors en belle compagnie. Et je ne trompe aucun de ces messieurs, car je n'en lis qu'une page chaque soir. Au hasard de mes lectures, j'ai découvert André Frédéric, l'homme pour qui tout est prétexte à rire. Même sa propre mort l'amuserait. Bref, un humoriste. Écoutez de lui, Couronne. À notre père affectionné, au patron, les bobineuses, ses frères et sœurs unis pour une fois dans la douleur, la propriétaire du 144 Terres, à notre client fidèle, les docks du centre, ceux du 46e chasseur, on les aura. Le garçon des quatre fils de La Rochelle, la bonne des quatre sergents Aymon, offert par les hauts spéculateurs du Vivarais. À mon beau-père, sans rancune. La patronne du Moulin Fleuri, l'inconnue de la Porte Brancion, un groupe de vagabonds belges. Acceptez cette couronne de l'abbé Gasparus. À notre président, l'association des colombophiles catholiques de la Seine. À notre trésorier, les amis de Luther. À notre secrétaire, la libre pensée du Blanc. Avec les excuses des familles Béchamel et Mouton. Offert par une délégation de gros industriels de Barcelonnette. Avec nos pleurs de force laine, un farceur. Ce modeste bouquet, don de l'ouvreuse du Cursal Clichois. À mon premier mari, à mon second mari, à notre mari, un groupe de veuves. Un des gentlemen qui l'obligea à asseoir à Carical. Du mimosa comme il aimait. Les phlox qu'il adorait. Les engrais comme ses squipédalés dont il raffolait. Regrets éternels du cocher de fidèle au poste et coquette. Pour qu'il revive dans la table, une spirite. Couronne lavable offerte par la femme de ménage. À bientôt, Louisa. En souvenir d'une joyeuse baignade en Marne avec Louis Veuillot. Un bouquet cire façon naturelle avec un Jésus décoré marqué à ses initiales PQ. Trois petites couronnes bois flottées à déposer en triangle sur la dalle offerte par la compagnie de G.U. Un superbe bouquet en perles mauves rehaussé d'un ruban grenat portant ces mots, ad aeternam. Une rondelle de carton bourrée de paille, mais le cœur y est. Une jardinière de pétunia en pleine terre dans un vase circulaire en tirouille. La bouée de la Marie-Jeanne cloutée de pâquerette offerte avec intention symbolique et bretonne par le patron Cloarec. Un soleil pyrotechnique destiné à être allumé à la nuit tombante au cimetière offert par les sœurs de Barbeau. Un massif d'immortels piqué en rotonde au sommet d'un chapeau de prêtre dont la calotte a été peinte recto et verso aux trois couleurs de la France immortelle offerte par le général de Montmirail. Un couvercle de garde-robe verni et propre sur lequel ont été collées les premières ombres chinoises de Carandache retraçant l'épopée de l'empereur Napoléon Bonaparte. Une immense couronne contenant le cadavre offerte en prime par la fleuriste Madame Brissot qui exécuta la commande et n'oublie pas de remercier tous ces messieurs dames qui voulurent bien lui faire confiance. Et s'excuse de la présence de la petite couronne de gauche sur laquelle on peut lire « à ma nièce » due à l'erreur de messieurs les imprimeurs Rubanier, plutôt qu'à la malveillance. Thank you. conséquence de ma singularité, c'est que je chante en lisant. Que voulez-vous ? Je suis comme je suis. Et on peut me surprendre chantant la Carmagnole en lisant Musset. Mes chansons, elles, sont barométriques. Elles suivent mon humeur, mélanco, comique, patriotarde, tendre, anard. Madame Veto avait promis, Madame Veto avait promis de faire égorger tout Paris, de faire égorger tout Paris. Mais le coup a manqué grâce à nos canonniers. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Antoinette avait résolu, Antoinette avait résolu de nous faire tomber sur le cul, de nous faire tomber sur le cul. Mais son coup a manqué, elle a le nez cassé. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Quand Antoinette vit la tour, quand Antoinette vit la tour, elle voulut faire demi-tour, elle voulut faire demi-tour. Elle avait mal au cœur de se voir sans honneur. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. La gendarmerie avait promis, la gendarmerie avait promis qu'elle soutiendrait la patrie, qu'elle soutiendrait la patrie. Mais ils n'ont pas manqué au son du canonnier. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Oui, je suis sans culotte, moi. Oui, je suis sans culotte, moi. En dépit des amis du roi, en dépit des amis du roi. Vive les Marseillais, les Bretons et nos lois. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Oui, nous nous souviendrons toujours, oui, nous nous souviendrons toujours des sans-culottes des faubourgs, des sans-culottes des faubourgs. À leur santé, buvons, vive ces francs-lurons. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Delmet est le délicat envoi de fleurs que je vais vous murmurer. Pour vous obliger de penser à moi, d'y penser souvent, d'y penser encore. Voici quelques fleurs bien modestes en voie, de très humbles fleurs qui viennent d'éclore. Ce ne sont pas là de nobles bouquets signés de la main de savants fleuristes. Liés par des nœuds de rubans coquets, bouquets précieux, chefs-d'œuvre d'artistes. Ce sont d'humbles fleurs, presque fleurs des champs, mais ce sont des fleurs simples et sincères. Des fleurs sans orgueil, au libre penchant, des fleurs de poète à deux sous pas chères. J'aurais mieux aimé de riches bijoux que ce souvenir vraiment trop champêtre. Bagues, bracelets féminins, joujoux, j'aurais mieux aimé, vous aussi peut-être. Mais du moins ces fleurs, ce modeste envoi, ces très humbles fleurs qui viennent d'éclore, vous diront tout bas de penser à moi, d'y penser souvent, d'y penser encore. Petit chagrin. Les mots les plus tendres jamais ne diront combien je t'aimais, jeune maîtresse. J'ai tant parlé pour t'émouvoir, lorsqu'en tes yeux je voulais voir la sainte ivresse. laisse. Les reproches ne servent point, surtout quand on les fait de loin, dès qu'on s'isole. Mais en songeant qu'au jour passé, nous nous sommes bien embrassés, je me console. On m'a dit que j'avais été d'une grande naïveté envers toi-même, et qu'avant de beaucoup aimer, le cœur devrait mieux s'informer de ce qu'il aime. Encore un baiser, veux-tu bien? Un baiser qui n'engage à rien, sans qu'on se touche. Tu le rendras à ton amant en te figurant un moment qu'il a ma bouche. Vers 1910, je sifflotais la valse brune sur les quais à Puteaux. C'est la valse brune des chevaliers de la lune que la lumière importune et qui recherche un coin noir. C'est la valse brune des chevaliers de la lune, chacun avec sa chacune la danse le soir. Ils ne sont pas des gens à valse lente, les bons rôdeurs qui glissent dans la nuit. Ils lui préfèrent la valse entraînante, souple, rapide, où l'on tourne sans bruit. Silencieux, ils enlacent leur belle, mêlant la côte avec le cotillon. Léger, léger, ils partent avec elle, dans un gai tourbillon. C'est la valse brune des chevaliers de la lune que la lumière importune et qui recherche un coin noir. C'est la valse brune des chevaliers de la lune, chacun avec sa chacune la danse le soir. Ah, j'allais oublier un poème de Tchekhov qui s'appelle Le petit rond. Ce n'est pas hilarant, non. C'est un sourire. Il y avait une fois un barbon et sa dondon. Leur vint un jour un lardon, Léon. Il avait oreille d'anon, au lieu de tête un petit rond. Léon poussa, devint rond, rond. Sur ses oreilles vint tirer grand-papa. Il tirera, jamais l'en sortir ne pourra. Grand-papa appela grand-maman. Dondon derrière barbon, barbon derrière petit rond, ils tireront, jamais l'en sortir ne pourront. Dondon appela tonton général. Tonton derrière dondon, dondon derrière barbon, barbon derrière petit rond, ils tireront, jamais l'en sortir ne pourront. Tonton appela tata marquise. Tata derrière tonton, tonton derrière dondon, dondon derrière barbon, barbon derrière petit rond, ils tireront, jamais l'en sortir ne pourront. De cela se lança papa, en fit un époux qu'il livra à la fille d'un grand magnat. Il appela le grand magnat avec un chèque à chaque doigt. Magnat derrière tata, tata derrière tonton, tonton derrière dondon, dondon derrière barbon, barbon derrière petit rond, ils tireront. On fait passer le petit rond à une grosse situation. Et voilà notre petit rond dans un conseil d'administration. Encore un poème de Robert Desnos. Les 400 coups. Ils étaient quatre qui n'avaient plus de tête, quatre à qui l'on avait coupé le cou. On les appelait les 400 coups. Quand ils buvaient un verre au café de la place ou du boulevard, les garçons n'oubliaient pas d'apporter des entonnoirs. Quand ils mangeaient, c'était sanglant, et tous quatre chantaient en sanglotant. Quand ils aimaient, c'était du sang. Quand ils couraient, c'était du vent. Quand ils pleuraient, c'était vivant. Quand ils dormaient, c'était sans regret. Quand ils travaillaient, c'était méchant. Quand ils rôdaient, c'était effrayant. Quand ils jouaient, c'était différent. Quand ils jouaient, c'était comme tout le monde, comme vous et moi, vous et nous et tous les autres. Quand ils jouaient, c'était étonnant.